Cette semaine à l'émission, Olympus vend ses parts, rumeur d'un Canon EOS M50 Mark II, IKEA cesse de vendre des piles alcalines et on teste le Pixel 4a de Google. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 171. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Christian Jarry. Salut Christian. Hey, salut Stéphane. Comment vas-tu? Pas pire. Fatigué, mais ça va. Bon. On va te requinquer le canadien, en fait. Hey boy, le canadien. Oui, c'est ouais. Ça. Vieille expression de mes grands-parents. Et comme je suis vieux, mon grand-père est né en 1898. C'est vieux, ça. Ben, ça fait longtemps qu'il est décédé. Là. C'est 2 ans avant ta naissance, finalement. Oui, c'est ça. Non, parce qu'il serait décédé jeune. Il est décédé, j'avais 18 mois. Je sais, ça fait pas de sens. C'est pas grave, c'est bref, pas de comprendre. Il est né, non pas au siècle dernier, mais à l'autre siècle avant. Quand même. Fait que, ouais. Mais bon. Ouais, non, c'est quand même assez impressionnant, oui. Qu'est-ce que tu as fait côté photo? Parce que tu n'étais pas là au dernier épisode, donc oui. Ça t'a laissé tout plein de temps pour faire de la photo. J'imagine. Théoriquement parlant, ouais, oui, mais non, pas vraiment. Mais j'ai fait un peu de photos, mais je suis allé, mes beaux-parents, pas loin de chez eux, ont un petit cimetière avec une église. En fait, il ne reste que les fondations. C'est une église, je pense qu'elle a 200 ans, si ma mémoire est bonne, 200-300 ans. Ah oui, OK. Je vais faire quelques photos. Elle est plus vieille que mon grand-père. Exact. j'ai réussi à faire quelques photos intéressantes, quelques photos de la nature autour. Malheureusement, c'était pas encore les feuilles d'automne. Ça aurait été plus joli, mais on prend ce qu'on peut. Là. Tu y retourneras en fin de semaine. oui, il y a un léger problème avec ça. Quoi? Ben, eux autres sont en zone orange et nous, on est en zone rouge. Alors, je ne peux pas y aller. D'ailleurs, je voyais ma belle-mère qui avait pris des photos justement de ce qui reste un petit peu plus loin que nous, puis en campagne. Puis j'ai vu les photos, puis j'étais comme... Je vais y aller. C'est beau. C'est beau, c'est des belles couleurs et tout ça, mais il y avait un beau petit pont couvert, plein de petites affaires comme ça, mais je ne peux pas vraiment quitter la région techniquement. Il reste encore des ponts couverts au Québec? Oui. Je pensais qu'il n'y en restait plus, pour vrai. Il n'est pas en bon état. OK. Pas en très, très bon état, mais quand même, là, c'est pas super. Mais bon. Bon, il y en a quelques-uns. Ouais. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était ça, un pont couvert. Au moins un petit pont en bois, là, mais ça fait un bout que j'ai vu la photo, il faudra que je le revérifie, mais on s'en reparlera hors d'onde s'il faut. Là. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Ça, je serais certain qu'il y en a d'autres parce que j'en ai vu, c'est où? OK. Attends que je pense. Je sais qu'il y en a un à Coaticook. Mais ça, c'est avant de rentrer au pont, au camping, fait qu'il est moyen intéressant, mais il me semble qu'il y en a j'en ai vu d'autres, une couple de places ailleurs. OK. Mais non, c'est ça. Puis, tu veux pas toujours un peu de choses de Best Buy que j'ai pris en photo. Ben oui, tu viens de retrouver. Oui, il y a bel et bien un pont couvert. Je t'enverrai la photo. Je demanderai à ma belle-mère si. Parfait. Puis, non, c'est ça. Puis, finalement, c'est ça. J'ai pris un peu de photos de Best Buy, là, des produits. Mm-hmm. Je cherche mes mots. Tu vois, je suis fatigué, je te l'ai dit, je cherche mes mots. Ça va être comme ça toute la soirée. Bon, on parle de photographie ce soir, Christian. De quoi vous parlez ce soir? Puis, j'ai pris... Le P, c'est ça, c'est plate. J'ai beaucoup utilisé le Pixel 4a, mais des photos, pas tant. Donc, c'est ça. J'ai pas malheureusement pu sortir beaucoup là, de la maison. Ben, d'autant plus qu'en fin de semaine, j'étais encore sur des travaux de rénovation. La famille est sortie pour prendre l'air et je suis resté à la maison faire les travaux. Ça donnait rien d'être les deux à faire les travaux. Donc, c'est ça. Mais je vais essayer peut-être en fin de semaine prochaine d'y retourner. Là, on a un petit coin pas loin de chez nous là, qui est pas mal joli. Puis de ce que j'ai vu, là, il y aura peut-être un potentiel de prendre quelques photos intéressantes. On va essayer de voir. Parfait. Puis toi? Moi, j'ai fait un petit photoshoot automnal. J'ai bien vu ça, En fin de semaine avec ma copine, Émilie. Et c'est ça, elle voulait faire un truc parce qu'elle, dès qu'on tombe le 1er octobre, c'est le mois de l'Halloween, c'est l'automne, thématique sorcière, machin. Donc là, en plus, elle venait de recevoir un nouveau manteau. Donc, on ben, elle n'a pas eu à me tordre un bras trop, là. Non, je pense pas. Moins d'occasion de faire des shootings photos ces temps-ci. Donc, on est allé pas loin d'ici, à Rosemère, sur le bord de la rivière des Mille-Îles. Puis, il y avait beaucoup de canards sur le bord de l'eau. Puis, au début, ben, on photographiait les canards pour s'amuser. Puis, après ça, ben, on a fait un petit shooting là. Et puis, après, on s'est dirigé de l'autre côté, donc dans le vieux Sainte-Rose. Puis, c'est ça. Ben, après, on a trouvé un endroit où il y avait un petit sentier sous le couvert des arbres et tout ça. Je ne sais même pas où mène ce sentier-là. On ne l'a pas suivi, mais il ne doit pas mener très loin parce qu'il est près d'une usine d'épuration des eaux. Donc, ça, pas loin de la rivière. Mais... c'est pas le genre de place très bucolique, non, généralement. C'est ça. Disons, mais par contre, je ne sais pas. Je serais curieux d'aller voir où ça mène quand même à un moment donné. C'est juste que là, il y avait... bon, on était un peu pressé par le temps, le ciel était couvert, puis on s'est dit, bon, ben, on avait des trucs à faire. Donc, on s'est dit, on va prendre nos photos, puis on quitte. Puis après ça, ben, il fallait aussi que j'aie le temps de regarder les photos et tout ça, parce que sinon, des fois, on les oublie hein, aussi. On finit par les mettre de côté, puis on oublie de les traiter. Comme celles que j'ai prises cet été, puis que j'ai pas particulièrement touché encore. Ah. Je les ai mis, je les ai exportées de ma caméra, mais j'ai... ben, au moins, tu as un backup, donc ils sont rendus sur ton ordinateur. Oh, oui. Puis, c'est déjà la bonne chose à faire, parce que si tu reprends ta carte, tu te rappelles pas que tu les avais pas exportées, puis là, tu la formates, puis non. Mais bref, oui, j'étais content de ce petit photoshoot. Je vais mettre des photos dans les notes. Une photo dans les notes d'épisode. Et les autres, ça vous donnera l'occasion, si vous n'êtes pas déjà présent sur Discord, de venir faire un petit tour sur notre serveur. C'est tout à fait gratuit. Vous trouverez le lien d'invitation dans les notes d'épisode. C'est un lien que vous suivez. Vous pouvez aller sur Discord sur le web. Il y a une application Windows. Il y a des applications mobiles, mais vous pouvez juste aller par le site web de Discord. Ça marche super bien. Puis, petit conseil, quand vous joignez à un serveur, désactiver les notifications au complet et activer seulement celles des salons que vous voulez parce que ça peut devenir... bon, on n'a pas un serveur hyperactif, disons, là, c'est très tranquille ces temps-ci, mais si vous voulez discuter, vous pouvez venir poser vos questions, nous envoyer des suggestions de sujets, puis ben justement, comme je fais depuis plusieurs épisodes, je publie des photos extra, du contenu bonus dans le canal Contenu Bonus. Donc, vous pouvez venir voir ça et discuter avec nous. Puis, ben là, on va passer aux nouvelles. On a pas mal de nouvelles hein, cette semaine. Oui. Il s'en est passé des choses. Christian, c'est officiel du côté d'Olympus. Oui, c'est finalement Olympus qui est finalement vendu. 95% de leurs parts ont été vendues à JIP, je trouve que ça se dit mal, JIP. Oui, JIP, oui. En tout cas, ça se dit un peu mal, mais bref. Ça va être effectif le 1er janvier 2021. On peut donc, en tout cas, je ne sais pas vraiment en réalité qu'est-ce que ça veut dire pour la marque Olympus en tant que telle. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle continuera pas? D'après moi, ça continuera pas vraiment, mais c'est pas super clair. Ouais, ben moi, je pense. À savoir qu'est-ce ouais, qui c'est va ça. Ils vont maintenir justement les actifs, peut-être les brevets, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir des nouveaux appareils qui vont sortir? J'ai aucune idée. C'est encore très flou. Ouais. J'aurais des doutes personnellement parce qu'on s'entend que Olympus n'avait pas une grosse part de marché tant que ça. Mais remarque qu'ils vendent les parts. Ils vendent pas genre l'usine de fabrication d'appareils ouais. photo. Fait que ça se pourrait qu'ils sortent des nouveaux trucs. C'est juste que peut-être. C'est plus eux qui vont prendre, c'est plus Olympus qui va prendre les décisions, c'est ce holding-là. Non. Donc, en tout cas, à suivre. D'habitude, c'est pas bon signe. Quand tu fais ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Je sais pas. On verra bien dans les prochains mois, prochaines années, là, mais... C'est la fin d'un autre grand quand même, parce que oui. Ça faisait très longtemps, pareil, Olympus. Là. Moi, je me rappelle que ma mère avait une caméra argentique Olympus qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. Ça date c'est facilement... Je n'ai même pas vérifié, honnêtement, combien de temps que ça a daté, mais c'est pas... c'est une assez vieille compagnie, fait que... Oh, c'est 1930 quelques, je pense, là, de mémoire, mais c'est quand même vieux, là, ou peut-être même plus que ça. C'est quand même triste, pareil, de le voir disparaître, ouais. Là, tu sais, c'est clair que... 919, je viens de vérifier. Ouais. Bon, encore plus vieux que je pensais. Au Japon. Fait que c'est quand même une perte, je dirais, là, mais moins qu'on a de choix, moins c'est bon. Mais en même temps, je veux dire, c'est quand même les 4-5 premiers gros joueurs, là, Panasonic, Sony, Fuji, Nikon, Canon. Qui j'oublie? Non, ben... C'est pas mal ça, là. C'est pas mal les autres, là, qui ont tout le marché, là. Fait que, mais c'est parce que tu me présentais un Segway sur un plateau d'argent en nommant toutes les marques. Ouais, parce que, bon, qui dit Olympus, dit Micro 4 tiers, dit Panasonic. Est-ce que, justement, les gens qui ont un appareil ou des objectifs Olympus vont aller vers des appareils Panasonic? Bien, Panasonic, apparemment, ont été honnêtes de façon même brutale en analysant le marché des micro 4 tiers. Ils ne voient pas un grand potentiel de clientèle qui bougerait vers la marque Lumix. Ils assument que les gens vont conserver leur équipement en espérant peut-être éventuellement faire changer de marque complètement parce que peut-être que justement, ils se disent, ben oui, j'ai de l'équipement, mais est-ce que je vais juste changer pour un boîtier Panasonic? C'est difficile à dire. Je ne sais pas si, admettons, là, Sony était compatible avec une autre marque et que Sony ferme, est-ce que je garde mes objectifs Sony puis que je passe avec une autre marque de boîtier? Je ne sais pas ce que je ferais. Si c'est Fuji, peut-être. Moi, je ne traite pas tant que ça. Ben, je ne traite pas non, tant que ça à faire ça, pour être honnête. Là. Il y a toujours des... T'as des désagréments là, quand tu passes de l'un à l'autre. Puis, tu sais, comme je disais souvent, je suis sur beaucoup de groupes Fuji. Puis, il y a quelques objectifs que le monde a l'air de beaucoup aimer qui gardent, mais en général, c'est très rare. Tu sais, puis pourtant, mettons, comme tu passes de Canon à Fuji, ben Canon, ils ont des très bons objectifs. Le monde les aime beaucoup. Il y a quelques objectifs légendaires. Puis, beaucoup se disent, ah, oh, ben, je vais acheter l'adaptage, je vais le faire. Puis après un petit bout, tu fais comme non. C'est pareil, ça rajoute du poids, ça rajoute de la grosseur, c'est pas... Ça ralentit la mise au point automatique. Exact. Si, quand c'est automatique, parce qu'il y en a des fois, tu transfères, puis la mise au point n'est pas au point. Ouais. Je me suis peinturé dans un coin avec avec ma phrase, mais bon. Mais bon, on verra, l'avenir le dira, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelques utilisateurs, quelques propriétaires d'appareils Olympus qui vont peut-être aller vers Panasonic, parce que Panasonic fait de très bons appareils, les GH5 et compagnie. Ouais. Mais est-ce que... C'est pas la même catégorie de prix. Non, c'est ça. Donc, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte, là, puis... On sait pas. Enfin, l'avenir nous le dira. J'ai une rumeur, j'ai vu ça passer tantôt, il y a une rumeur comme quoi Canon lancerait l'EOS M50 Mark II d'ici... Bien, à l'origine, c'était censé être en septembre, mais bon, il y aurait eu une pandémie ou quelque chose comme ça, apparemment, qui aurait retardé un petit peu la production. Donc, ça serait un lancement prévu. Ça veut dire qu'il a retardé tout. Oui. Je pense que c'est aussi simple que ça. Tout est retardé, ça n'a aucun sens. dont le lancement du Canon EOS M50 Mark II d'ici la fin de l'année, apparemment, que ça sortirait. Le premier M50 a été lancé début 2018. Le nouveau Mark II va être équipé toujours du capteur dual pixel, donc l'excellent système de mise au point automatique de Canon. Mais la première mouture commençait à prendre de l'âge côté vidéo aussi. Donc, c'est à voir. Là, le nouveau modèle aurait apparemment un capteur de 32,5 mégapixels, capteur APS-C toujours. Ce serait un capteur similaire à celui du M6 Mark II. Puis, il y aurait un processeur Digic X, alors qu'au départ, on pensait que ce serait un Digic 8. Mais le Digic X, c'est celui qu'on retrouve dans le 1DX, je pense. Donc, c'est quand même... OK. Ben, je ne sais pas si c'est dans le tout dernier 1DX, mais c'est quand même... Ça veut dire que c'est pas... C'est quand même quelque chose d'assez puissant. Pour un petit appareil, parce que le M50, c'est pas un... C'est pas très gros, là. Non, je sais. Mais bon, à suivre, mais s'il y a ce capteur-là, ça permettrait d'avoir une rafale jusqu'à 14 images secondes. Et le plus intéressant, vidéo 4K, 60 images secondes et Full HD, 120 images secondes, donc des beaux ralentis. Mais apparemment, bon, c'est toutes des rumeurs, là, il n'y a rien qui est confirmé à 100%, mais il semblerait que le boîtier ne serait pas équipé de la stabilisation optique. Donc, ça serait juste dans les objectifs, là, comme c'est souvent le cas. Donc ça, ça serait un peu dommage, là, mais bon, ça reste à suivre parce que tout ce que j'ai lu à date, ce n'était qu'au stade de rumeurs. De toute façon, tout dépend aussi du prix auquel il est vendu. Là. Ça va, t'sais, on s'entend que... Oui, ça va être très raisonnable. On parle de 850 $ américains. Ben, honnêtement, 800... à ce prix-là, je ne m'attends pas à avoir la stabilisation dans c'est le boîtier. C'est ça. Donc, c'est un bon indice. 870 livres sterling, donc en euros, je ne sais pas. Ça va tourner autour de ça, j'imagine, un peu. Par contre, ben, ce que j'ai lu, c'est que, justement, je ne le savais même pas, mais apparemment que la batterie du premier M50 faisait seulement 235 clichés côté autonomie. C'est encore moins que mon Sony, que mes Sony. Donc, en espérant qu'ils changent la batterie pour ce nouveau modèle-là, là, ça serait vraiment la moindre des choses parce qu'à 235, c'est pas beaucoup. Là. Bon, on parle de une heure et demie d'utilisation à peu près, je te dirais. Moins de clairement. 2 heures, c'est sûr. Là. Moi, j'ai ça 2 heures à peu près avec mes Sony. Donc, ben c'est des vieux, là, évidemment. Les nouveaux ont réglé ce problème-là. Là, mais... Qu'est-ce que t'attends? Oui, oui, j'attends un peu d'argent, mettons. Je comprends pas, voyons. Oui, oui, oui. Mais bon. Toi, on parle de piles, de batteries. Il y a IKEA qui fait un move écologique. Incroyable. On dirait que c'est moi qui ai placé les sujets dans le plan de match. Oui, ben c'est... Oui, c'est ça, tu t'es pas du tout arrangé. IKEA a annoncé qu'ils ne vendraient plus de piles non rechargeables alcalines. C'est vraiment pas une mauvaise décision, si vous voulez mon opinion, mais ça reste quand même que c'est encore utilisé par beaucoup d'appareils photo, particulièrement là, bon, des plus vieux, on s'entend, là, plus des appareils photo argentiques, tout ça, mais il y en a quand même quelques-uns, quoique je pas sûr qu'ils sont encore utilisés. Je me rappelle en avoir déjà eu, mais il y a quoi, 15 ans? Là. Ouais, ben c'est ou des appareils entrée de gamme ou des mini, là, des compacts. Exact. Cela dit, c'est utilisé encore d'un flash, par exemple. Oui, ça, exact. Beaucoup. Souvent, tu en as 4 en plus des piles 2A. Exact. Donc, ouais. Fait que c'est ça. Ça va être. On passe au rechargeable, surtout en grosse partie, ou. Je sais pas, là, il va falloir qu'ils voient qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que ben, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui achète ça chez IKEA, mais si eux autres partent le bal, probablement qu'ils seront pas les seuls, là, vont en avoir d'autres qui vont suivre aussi, là, parce que bon, veux pas, c'est toujours la même chose que quand un gros part le bal, ben, l'autre se dit, ben, si j'ai une chose de moins à tenir que les autres, c'est jamais une chose négative, et en si fait. Ça peut nous permettre de bien paraître aussi comme entreprise, en étant plus écologique. Ça aussi, définitivement. Citoyens corporatifs plus raisonnables, etc., ben c'est sûr que ça va probablement faire bouger un peu les choses ailleurs aussi. Ouais. On verra bien. Parfait. Et moi, j'ai des objectifs qui sont annoncés, qui vont être lancés. Le nouveau TT Artisan, donc je vais l'appeler le Tartisan. c'est un 35... Non, c'était pas bon? Ouf! Non? OK. Peu importe. Le TT Artisan, 35 mm, f1.4, c'est un objectif APS-C pour monture Sony E, Canon EOS M, dont on parlait, Fuji X, et... Oui, j'allais poser la question. Ah, OK, c'est Artisan, oui, oui, donc c'est pour les gens, oui, OK, intéressant. Et pour les montures micro 4 tiers, justement, Olympus Panasonic, et... Ben voilà, ça va coûter seulement 80 $ américains. Évidemment, à ce prix-là, ne vous attendez pas à une mise au point automatique, là, c'est sûr, c'est mise au point manuelle. Mais un 35 mm f1.4, c'est fort intéressant. Moi, je me suis amusé avec un 35 2.8, là, puis, bon, qui était Minolta, là, évidemment, mais si on a un nouvel objectif pour appareil APS-C ou micro 4 tiers à 80 $, ça vaut vraiment la peine, là. J'ai entendu des choses, même si j'ai l'air de peser mes mots, c'est parce que je le fais. Certaines personnes ont l'air d'être en amour avec ce genre d'objectif-là parce que c'est peu dispendieux, offre des performances quand même respectables pour ça, tandis que d'autres ont l'air de dire « mais pourquoi vous achetez ça, c'est de la pure 3 petits points ». Je ne sais pas quoi penser. je me dis en même temps à l'occasion, tu sais, si j'avais pas mon 35 mm, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est 80$ au pire des coups, puis je suis sûr que tu peux leur fourguer pour au moins la moitié de ça après ça si t'es tanné. Exactement. Au Canadien, ça doit être proche de 120, j'imagine, normalement, là, mais c'est, quand même, c'est pas si mal. Ben non, puis c'est un objectif, on s'entend. Tu vas pas acheter ça pour aller faire des contrats professionnels. Tu vas acheter ça pour expérimenter, pour t'amuser, pour t'exercer à devenir meilleur en mise au point manuelle, tu sais, peu importe. Ou pour justement ne pas dépenser des centaines de dollars si tu n'es pas certain d'aimer cette focale-là. Bon, 35 mm, on s'entend, c'est quand même relativement... on est habitué, les anciens appareils avaient ça comme focale. Puis à la limite même, les téléphones d'aujourd'hui ont à peu près 26 mm de focale. Donc, tu sais, c'est pas comme si tu allais dans un 14 ou dans un 100-400, là, je veux dire, tu restes dans des focales relativement standard, normales. Mais moi, je pense que c'est carrément ça, là. C'est des focales pour des objectifs pour s'amuser puis s'exercer. Puis moi, ce que j'aime des vieux objectifs, justement, c'est qu'ils ont plus un petit aspect vintage, là. C'est vraiment plus pour peut-être un peu soit de la nostalgie ou pour juste ajouter une toute petite, tu sais, sans passer par un filtre ou quoi que ce soit, ben, tu ajoutes une petite touche vintage à tes images. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Souvent, c'est très subtil, mais je trouve ça intéressant. Mais là, si l'objectif est neuf et il n'y a pas de petite touche vintage, c'est pas grave. Au moins, ça peut permettre à quelqu'un. Dans certains cas, ils l'ont un peu aussi, dépendant de... Tu sais, ça peut être parce que là, ils ont moins d'éléments, fait que ça va donner ton bokeh va être un peu spécial, il donnera peut-être pas exactement la même chose. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment ça. Ça dépend énormément de qu'est-ce que tu vas en faire, là. Bon, ben, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que pour le prix, c'est une option fort intéressante. Et ben, comme tu avais remarqué, je n'avais pas mis le bon lien dans les notes. Tu pourras aller voir. Oui, je me disais ça, mais je n'osais pas te le dire. J'étais allé voir pour le fun, puis j'étais comme, « Ah, oh, il est beau le casing. » Oui, pour aller sous l'eau. Et j'en en parlerai même pas. Hein, c'est le fun. Donc, non, mon autre nouvelle, c'est un autre objectif. C'est Sigma qui annonce un objectif 105 mm f2.8 DG-DN macro. Et là, tu pourras aller voir, il y a le bon lien aussi. Eh hey boy, c'est pas petit, cette affaire-là. Non, c'est un objectif Art, donc, tu sais, de la série Art. Donc, un bon objectif, bonne qualité, puis prix raisonnable, comme, tu sais, on s'entend, Art, ben ça reste Sigma, mais de meilleure qualité. Donc, tu es quand même toujours en bas du prix d'un objectif de la marque de ton appareil, généralement. Puis celui-là, on parle qu'il y a 17 éléments de verre dans 12 groupes. Et c'est compatible avec l'autofocus rapide, là, high speed autofocus, comme on dit. Puis c'est tropicalisé. Il y a un coating, une couche qui repousse l'eau et l'huile. Il y a une bague pour l'ouverture, très intéressant, parce que ce n'est pas tous les objectifs qui ont ça. Il y a un bouton de verrouillage d'autofocus, donc AFL. Il y a vraiment un paquet de trucs. Là, ça a l'air d'être... bon, puis évidemment, un lens hood là, pour un pare-soleil. Quand même pas mal de fonctionnalités pour le prix. Ouais, c'est quand même bien. Mais je sais que la série Art a vraiment beaucoup, beaucoup d'amateurs. Là. Tu parlais, on a déjà essayé un, le 1835. Mm. Puis, non, on l'a pas essayé, ça là, c'est pas François qui en avait un, je François crois. En avait un. Sigma 1835, puis je sais que beaucoup de monde sur les groupes Fuji, ça je l'ai vu souvent, ont gardé un adapteur juste pour cet objectif-là. Mm. Ce qui m'étonne pas tant que ça, parce que c'est une belle focale à part ça, puis tu sais, il paraît que visuellement, la qualité, elle est impeccable, donc ce genre d'objectif que tu veux garder, puis je suis sûr que, bon, ça, c'est le problème de Fuji. Là. Ils veulent pas donner leur façon de faire leur bague et faire au tiers manufacturé, donc on pourra probablement pas en avoir. Mais c'est dommage parce que, ben, il y en a, mais c'est du reverse engineering. Là. Ils font l'inverse puis ils arrivent à le faire. Mais si on pouvait avoir des objectifs Sigma, ça mais serait peut-être pas une mauvaise chose. C'est... Comment savoir de quoi? C'est beaucoup mieux que c'était, en tout cas, définitivement. En effet. Bon, ben ça fait le tour de notre demi-douzaine de nouvelles. je vous rappelle que Si vous appréciez le contenu d'Objectif Numérique, on a besoin de votre soutien. Ça peut être une petite contribution, un petit 2$ ou plus à notre Patreon. Et vous pouvez choisir le nouveau de soutien selon ce que vous voulez recevoir en retour. On recommence l'écoute en direct de nos enregistrements dès le prochain épisode. Il y aura des épisodes exclusifs. On peut faire la critique d'une de vos photos. Il vous suffira de nous l'envoyer puis on peut en discuter en ondes. Vous pouvez même avoir un cours photo privé avec nul autre que moi-même. On peut faire ça par Discord ou par Skype ou une autre plateforme de votre choix. Et puis, c'est ça. Vous pouvez même changer le niveau de votre contribution d'un mois à l'autre, prendre une pause, reprendre, c'est comme vous voulez. Pour vous abonner, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'image en haut à droite du site Objectif Numérique, puis vous choisissez le niveau de récompense. Donc, voilà, nous, ça va. On peut-tu faire un cours avec MSN Messenger? Non, ICQ, par exemple. Ça allait être mon prochain. J'ai encore mon numéro ICQ, d'ailleurs. Donc, moi aussi, parce que ça ressemblait à un numéro de téléphone. C'est pour ça que je suis capable de m'en rappeler. C'est bon. Mais c'est ça. Donc, pour ceux qui, déjà, contribuent au Patreon, on vous remercie du fond du cœur. Ça nous permet de payer nos dépenses, donc l'hébergement du site, le Discord Nitro pour avoir le meilleur son d'enregistrement et tout ça. Et puis, éventuellement, on pourra même peut-être ajouter du contenu exclusif, dont des nouvelles écrites sur le site, des trucs comme ça. Alors, n'hésitez pas. Puis, même si c'est seulement pour un mois que vous pouvez vous permettre une petite contribution, c'est très apprécié. On vous en sera reconnaissant. Et cette semaine, Christian, c'est le tant attendu test du Pixel 4a de Google. Tant attendu. Bref, j'avais dit que j'en parlais. Tu t'es laissé désirer. Le dernier épisode, tu t'es désisté. Ouais, j'étais un peu fatigué de beaucoup de travaux. Alors, j'ai fait pas le temps. En fait, très occupé au travail. Oui, tu avais installé un serveur pendant 4 jours, je pense, un truc comme ça. Pas un, plus comme 12, c'est ça le problème. Bon. c'est là qui était le problème, c'est de tout faire ça marcher ensemble qui était le petit côté intense. Bon. Fallait que je réinstalle tout, mais je vous épargne les détails. Bref, Pixel 4a, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Pixel, Pixel, dans le fond, c'est le téléphone de Google. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils le divisent en deux gammes, le Pixel 4 et XL, qui est le modèle plus gros, et le Pixel 4a, qui est le modèle abordable. Je ne sais pas si c'est le A, c'est exactement ça, mais moi, j'ai toujours trouvé que ça fait être en... Affordable ou abordable, oui. Exactement. Ça fait du sens. Ce qui est important de mentionner, c'est que abordable ne veut pas dire cheap ou bas de gamme, parce que dans ce cas-ci, ce n'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas ça qui est l'affaire. Oui, il est moins... le processeur est un petit peu moins rapide, le téléphone est plus petit, on a un connecteur pour écouteurs, ce qui est rendu aussi rare que de la 3 petits points de pape. Mais pour vrai, je veux dire, sincèrement, sur les plus gros appareils, maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus de ça. Mais par contre, on n'a pas la charge sans fil, par exemple. On n'a pas la reconnaissance visuelle, qui, ces temps-ci, avec les masques, est une très bonne chose, sur mon humble opinion. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Le fameux Face ID là, sur Apple, c'est ça? Oui, il ne me sert pas grand-chose sur mon téléphone, sur mon iPhone, ces temps-ci, sincèrement, là, quand je m'en vais dans un magasin. Là, mais... J'utilise plus la montre ces temps-ci, je vais te dire. Par contre, ce qui est intéressant de cet appareil-là, c'est que c'est ça, il est beaucoup moins dispendieux. Puis particulièrement avec le dollar canadien, ça, c'est encore plus impressionnant d'ailleurs, là, parce qu'il nous coûte, si ma mémoire est bonne, c'est 699$, qui est vraiment pas très cher pour un appareil du genre. Le format est un peu plus petit, mais sais-tu quoi? Pour beaucoup de monde, y compris moi, je trouve pas que c'est une si mauvaise chose que ça. Parce que tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est sûr que si vous voulez écouter du vidéo là-dessus, c'est peut-être moins l'idéal. Cela dit, je veux dire, c'est pas parce que l'écran n'est pas bon, tout ça, mais tu sais, sur un Pixel 4 XL, c'est beaucoup plus le fun. Mais sinon, je veux dire, moi, je vais donner un exemple. Mon téléphone du travail, c'est un iPhone 7, c'est le petit, c'est pas le XL. Puis sincèrement, l'avantage majeur, c'est que. Ouais. Si tu veux te promener avec l'écran, avec ton pouce, c'est facile d'atteindre le haut, t'as pas de misère. De ce côté-là, c'est pas désagréable, puis ça prend moins de place dans une poche aussi. C'est plus petit, c'est... Moi, tous ces côtés-là font que, honnêtement, j'ai bien aimé l'appareil. C'est un bon téléphone. Puis j'ai beaucoup aimé aussi que ben ça, c'est quelque chose qui me manque un peu, même si j'aime beaucoup le Face ID, je trouve que ça fonctionne bien. Le lecteur d'empreinte en arrière, ça va vraiment, vraiment bien. Puis très rapide. Ça, là, sur les Pixels, et il y avait sur le LG V20, là, le lecteur à l'arrière, c'est le meilleur lecteur d'empreinte que j'ai eu. Parce que moi, j'ai eu un Pixel 1, un Pixel 2, XL les deux, là. Ouais. Mais il y a juste le 3, bon, puis là, le 4 que j'ai pas eu, mais même le. C'est les meilleurs lecteurs parce que tu as un repère physique pour mettre ton doigt. Tu peux pas te tromper. C'est ça. Fait que dès que tu prends ton téléphone en main, ton doigt est au bon endroit, il se déverrouille. Exact. Tandis que, tu sais, Samsung, ben c'est à même l'écran, c'est super cool sur papier, mais tu cherches combien de fois je le mets juste à côté, je n'ai pas pu lire l'empreinte. Puis là, il te fait apparaître le petit dessin pour dire, ben c'est ici. Ouais. Oui, OK, mais c'est parce que ça aurait été le fun que je puisse le trouver du premier coup, tu sais. Mm-hmm. Mais ça... Mm-hmm. J'imagine que tu t'habitues à la longue, mais quand même, malgré tout, tu dois te tromper un peu. Pareil. Ben, c'est ça. Donc, c'est moins pire. Tu vois, j'ai cru voir quelques photos du Pixel 5 et j'ai l'impression qu'ils sont revenus... J'ai cru comprendre qu'ils sont revenus avec le lecteur d'empreinte à l'arrière. Parce que le 4 avait juste le déverrouillage avec le visage. Puis je pense qu'ils sont revenus avec... Mon avis personnel, la meilleure empreinte. Puis, il reste bien deux choses intéressantes à dire à propos de ce téléphone-là. Ben c'est 64 Go d'espace qui est en masse, là, selon moi. Là, pour la majorité du monde, je veux dire, correct. Là. Puis, je pense que Google donne un 100 Go de ça, ça dépanne bien. Là. Exact. Ce qui est intéressant de ce téléphone-là, c'est la pile. Étonnamment, la pile est plus petite que le Google, le Pixel 4 XL. Pourtant, j'arrive parce que, bon, le processeur est plus petit, l'écran est plus petit. Mm. C'est deux facteurs relativement importants. Puis, les critiques du Pixel 4, la pile n'était pas fameuse. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé si pire que ça, mais en tout cas, beaucoup de monde n'avait pas l'air de dire que c'était la meilleure des choses. Puis, j'aurais tendance à croire que c'est peut-être que j'ai été chanceux, j'ai peut-être pas été chanceux. Tu sais, je l'ai utilisé, mais je l'ai pas utilisé non plus, comment je pourrais dire, là, pendant des mois. Fait que c'est dur de voir, là, peut-être qu'elle perd plus de capacité rapidement. J'en ai aucune idée, mais le fait est que Google a vraiment pas toffé longtemps son Pixel 4. Normalement, il est facilement disponible toute l'année, puis dans ce cas-là, il a rapidement été discontinué, puis c'est le 4A qui a pris sa place, puis essaie pas de trouver un 4. Il y en a plus. OK. Fait que... Ah, mais ils vont dire que c'est la demande. Tout le monde se l'arrache. Il y en a Non, je suis pas convaincu que c'est ça. Comme je te dis, semble-t-il que ça a été passé rapidement. Ben, ça se peut. Ça se peut que ce soit d'autres raisons. On sait pas. Mm-hmm. Regarde, c'est pas évident. Moi, personnellement, je l'avais pas trouvé si pire que ça, mais lui, il est encore mieux. Je suis facile, capable de faire ma journée. Puis si je suis léger, là, tu sais, pas tant que ça, là, pas tout le temps en train de regarder Facebook, je passe presque à une journée et demie. Là. Fait que moi, je trouve ça très raisonnable. Là. Ça a beaucoup de bon sens. Puis, ben, la dernière question, l'appareil photo. L'appareil photo, parce que ça reste quand même, on est un podcast photo. Il faut même parler de ça. Puis, ben, parce bonne nouvelle. C'est ça que j'attends depuis tantôt. Exactement, je sais, c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier. Bonne nouvelle, ben, il y a une bonne puis il y a une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. Il y en a un seul objectif, qui n'est pas nécessairement désagréable, mais c'est juste qu'il y en a un seul. Par contre, c'est l'excellent objectif du Pixel 4. C'est la même chose qu'on a dessus. Donc, on a des photos impeccables, aussi belles que celles du Pixel 3. Puis honnêtement, je veux dire, j'ai beau le dire encore, là, je veux dire, j'ai mon iPhone XR, j'ai d'autres, puis je suis encore toujours aussi épaté des belles photos que ces appareils-là peuvent prendre. C'est vraiment impressionnant. Toutes les fonctions sont pas mal disponibles, bien, sauf celles qui requièrent les deux objectifs, là. Oui, mais sinon, en général... Les pixels, même à un objectif, peuvent faire du flou en arrière-plan. Oui, ils sont capables de le faire pareil. Mm-hmm. Je sais. Fait qu'il est pas... Il manque pas grand-chose pour vrai, là. Fait que pour vrai, je veux dire, quelqu'un qui cherche un appareil qui veut pas que ça lui coûte trop cher, moi, je le recommande fortement, parce qu'en plus, ben c'est vrai, puis le détail important, puis j'oublie tout le temps ce détail-là de le mentionner, c'est... Android Vanille. C'est Android de Google. Tu l'as rapidement. Il n'y a pas de surcouche, de rien de ça. C'est Google. Ça m'a étonné de découvrir que certaines personnes n'aiment pas ça. Moi, je ne comprends pas. Je me suis, ben, sans dire m'ostiner, mais j'avais une conversation avec quelqu'un sur Twitter il y a quelques semaines de ça. Puis il dit ah non, moi, j'aime pas ça. Il n'y a pas de surcouche. J'aime mieux Samsung. Je suis comme. OK, tu as le droit. Moi, personnellement, j'aime mieux ça. Là. Ben, j'utilise le Samsung Galaxy S10 depuis un an et demi. Samsung a beaucoup amélioré sa surcouche, okay. mais ça reste que tu as les mises à jour d'Android plus tard parce qu'il faut que ça passe par Samsung, puis là, qu'eux refassent toutes les mises à jour, puis ouais, là, les updates d'Android des semaines ou des mois plus tard. Là. Donc, c'est plus ou moins... Ça, c'est un bon point en faveur de Google. Par contre, Samsung a ajouté un paquet mm-hmm. de fonctionnalités super intéressantes et c'est ce qui permet de contrebalancer ça. Donc, tu as des trucs qui vont peut-être arriver dans la prochaine mise à jour d'Android, mais tu l'as déjà avec la surcouche de Samsung. Ou ouais. En tout cas, où il y a d'autres trucs qui sont intéressants. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, dans peut-être deux épisodes, je vais parler du Samsung Galaxy S20 FE pour Fan Edition. Donc, j'en ai un en ma possession. Pourquoi Fan Edition? Mais je vais laisser planer le suspense. Donc, okay. Voilà, j'ai hâte d'en parler. Non, c'est des bons téléphones. Moi, je peux pas, regarde, là, je peux pas chialer là-dessus. Là. Je trouve qu'on... Peu importe ça, pourquoi tu choisis, quel appareil tu choisis ou quoi que ce soit, tu as toujours des avantages et des désavantages, mais c'est pas de mauvais appareil. Moi, tout ce que je conseille, c'est de ne pas aller dans le bas de gamme. C'est la seule chose que je dis parce que ça, si le monde y change aux deux ans, ben je comprends. Bon, Yann, ton téléphone, tu l'achètes, il est déjà passé date solide. Là. Mm. Fait que c'est clair que c'est pas le bon. Ça vaut quand même aussi, en quelque part, en photo, à l'exception que tu peux t'en sortir avec des bons objectifs, même si ton appareil est entrée de gamme. Mais pour un téléphone, t'es mieux de payer un peu plus. Encore là, ça dépend combien de temps tu le gardes. Ben, tu serais surpris, tu dis ça, parce que je te parlais de ma belle-mère qui avait pris des photos, puis au début, j'étais comme, oh mon Dieu, elle a pris des photos, papi. Je me suis mis à zoomer, pas tant que ça, là, pas énormément, juste un petit peu, puis j'étais comme, hey boy! Pis c'est un appareil de 3 ans, là, mais c'est effroyable le bruit qu'il y a là-dessus. Là. Effroyable. Et j'ai des plus vieux appareils. Tu sais, j'ai pris des photos, je me rappelle, dans le temps, avec mon iPhone 4, j'avais moins de bruit que ça. Là. Fait que, tu sais, tu dis... Puis je sais, elle a pas acheté un... Il a fallu que j'aille fouiller sur Internet, c'était quoi? C'était un Samsung Ace quelque chose, je me rappelle pas trop. Ouais, oui, là. C'est une série bas de gamme, ça, oui. Mais je connaissais même pas ça, j'avais jamais entendu parler de ça quand tu m'as demandé si c'était ça, tu sais, fait que je sais pas. C'est-tu les A20, A70, tout ça, ou... Non, c'est Ace. Ah non, c'est encore plus bas, ça. Oui. OK, oui. Non, les A quelque chose, c'est le milieu de gamme, mais les Ace, c'est vraiment, tu veux payer genre 200$ ton téléphone, puis... C'est ça, là. Fait que, puis t'as le résultat qui va avec, là. Ben, c'est sûr que le capteur va être microscopique, donc t'as du bruit dès que tu clignes des yeux, là. Exact. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je dis, tu sais, un milieu de gamme, t'as des excellents choix là-dedans, puis tu vas avoir des très bons téléphones, sans aucun doute, là. PDK, bon, ça va être un petit peu moins rapide, tu sais. Je regardais, il y a du monde qui se plaignait, ouais, mais... L'écran du 4A, du Pixel 4A, il n'est pas 90 Hz ou 120 Hz. Ça change quoi? Tu joues à des tournois de jeux vidéo? Vraiment? Oui, c'est ça. Je trouve que les gens trouvent des choses à reprocher à des téléphones. Des fois, tu te dis, mais c'est quoi ça? Pour vrai, là, où c'est qu'on s'en va? Là? Ça donne à rien. Là. Bref. Mais, donc, tout ça pour dire que je recommande. Téléphone très peu dispendieux. Puis, ce qui est, comme je disais en début de critique, ce qui est le plus étonnant, c'est que particulièrement au Canada, pour une fois, le taux de change est très, très, très, très avantageux pour nous. Ah. Ce qui est rare, parce que Google, ça aurait dû coûter beaucoup plus cher que ce qu'il nous charge réellement. Puis ça m'a étonné. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, là. On s'en plaindra pas, okay. Là, mais... Ben oui. Parce que de mémoire, c'est ça, je pense qu'il est comme... C'est 599 US, okay. 699 Canadiens, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'ils ont dû voir que s'il était plus cher, il ne se serait pas vendu. Là. Exactement. Donc, ben c'est super, c'est cool. C'est toujours bon quand le client est... Exact. Passe en premier. Ben, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as publié une critique sur Best Buy pour ça ou pas? Elle n'est pas encore en ligne. Quand elle va l'être, je te la renverrai. Parfait. Et on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado-diffusion, sur Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. Et on est diffusé tous les samedis midi sur choc.ca. On est aussi disponible sur Rivercast Media, qui est un regroupement de podcasts dont des podcasts juridiques, questions de preuve, tout ça. Donc, oui, si jamais vous êtes intéressé. Podcast juridique. Oui. OK. Oui, avec des cas discutés. Je trouve que c'est quand même, moi, j'ai pas de trouble. J'aurais juste jamais pensé à ça. Ben voilà. Alors, il y a quelqu'un, on salue Hugo, qui y a pensé. bon, on va passer aux suggestions de la semaine. Tiens, je vais y aller avec une suggestion qu'un photographe que j'ai découvert aujourd'hui sur 500 Pics, parce que je me suis dit, hey, il faudrait bien que je retourne dans mon compte pour téléverser des photos un peu, parce que mon compte Flickr va venir à échéance. S'auto-détruire. Ben bon, non, il va rester quand même des photos sur mon compte, parce qu'elles sont déjà là. Mais je pourrais commencer justement avec mon nouvel album, mon premier album, le photoshoot automnal. Donc, c'est Daniel Chung qui semble habiter à Hong Kong, ou en tout cas dans une grande ville de Chine ou en Asie. Et il fait des photos, ma foi, il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de retouches, mais il joue beaucoup avec la lumière, l'éclairage des paysages urbains dans ses photos. Il fait beaucoup de compositions. C'est plus même, je dirais, artistique que de la simple photographie, là. Et il y a vraiment de tout. Il y a de la photo de paysage, il y a de la photo architecturale, il y a du noir et blanc, il y a du HDR, il y a de la pose lente. Il y a une photo avec un éclair qui semble tomber sur un navire, évidemment. C'est peut-être pas ça qui est arrivé dans la réalité, mais le résultat est intéressant. Je trouvais ça... oui, c'est très... Il y a beaucoup de talent, franchement. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, mais franchement... Lever le coucher de soleil, des trucs comme ça. Puis bon, il semble voyager aussi un peu, là, donc quand même pas mal de photos. Écoutez, je me baserai pas sur ces photos pour moi essayer d'en faire, mais à regarder comme ça, je trouve ça super intéressant. Non, ben, comme tu dis, il y a beaucoup de post-production. C'est là. Mais c'est superbe à regarder. C'est oui, comme dirait ma copine, c'est visuellement attrayant. C'est son expression. c'est bien. Il y en a une couple, ça me fait presque penser à du cyberpunk tellement... Oui, c'est pour ça que j'aimais ça, c'est vrai. J'ai quand même oublié de le mentionner, mais il y a un petit look cyberpunk un peu dans plusieurs paysages urbains, là, très futuriste. Un logo Atari aussi, tu sais, ça fait penser un peu à Blade Runner, ces trucs-là. Donc, je trouvais ça intéressant. Des couleurs très bleutées, très froides. Donc, à voir, Daniel Chung, Cheong, mais vous trouverez le lien dans les notes d'épisode. Christian, toi... on parle de cyberpunk, c'est une époque un peu glauque. Je vois ton lien. Tu vois venir avec mon lien. Hein? Puis là, ben, c'est ça, tu sais, quand tu vis dans une époque glauque, ben, tu n'as pas souvent des bonnes journées. Mais bon, il y en a qui ne l'ont pas facile non plus. Hein? On a une belle collection de 50 photos de gens qui l'ont eu moins facile que vous aujourd'hui. Je vais être franc, là. C'est pas toujours des bonnes photos dans le sens que c'est pas des photos super artistiques ou rien de ça nécessairement tout le temps. Celle-là, c'est plus pour vous faire sourire. Oui. Parce que franchement, là, il y en a une couple là-dedans, là, la peinture particulièrement. Là, je sais pas qu'est-ce qui peut bien t'arriver pour qu'on tout échappé ces pots de peinture-là. C'est du monde qui ont une route, là, puis on... C'est comme une explosion de barils de peinture sur une rue, là, c'est incroyable. Ouais. Ou même juste celle d'après la Porsche qui est tombée dans l'eau, là, c'est un concessionnaire, disons que... Bref, ça pour dire qu'il y a des photos assez comiques, assez intenses, d'autres un peu plus déprimantes, je dirais. Oui, l'homme chandelier. Oui. Enfin, il y a de quoi faire, au moins vous faire sourire à quelques reprises, si ce n'est éclater de rire. Donc, quelque chose de léger pour se changer les idées. C'est pas des photos où vous allez admirer la composition ou le côté artistique de la chose, mais c'est vraiment pour rigoler. Exact. Un truc, bon, un peu plus sérieux, je dirais, mais tu sais, quand même artistique, c'est Maxime Soriol qui nous a envoyé cette suggestion. C'est, j'ai intitulé ça justement « À la jonction du passé et du présent, grâce à des diapositives photographiées dans des nouveaux lieux ». C'est un artiste justement qui a apporté une diapositive, des diapositives à différents endroits, dans des paysages différents et des lieux. Puis, il a superposé la diapositive au paysage, au lieu, et il a pris ça en photo. Donc, ce n'est pas un nouveau concept, mais avec une diapositive, c'est un peu différent. Ouais, c'est très, très joli. Ouais, ouais. Donc, surtout que c'est des photos, des diapositives d'époque. Donc, ouais. Transposées dans le présent, dans le décor actuel, ça rend ça quand même intéressant. Donc, une diapositive d'un souper de famille plein de convives et tout ça à la table, puis tu vois la cuisine un peu plus moderne. Mais, tu sais, ça donne un petit peu un portrait d'époque. Ce qui m'intrigue le plus, c'est avec quoi qu'elle a pris ça. Je crois que c'est une femme, si j'ai cru voir. Ouais, Catherine Panibianco. Mm-hmm. J'ai aucune idée, honnêtement. Je soupçonnerais que ça pourrait être pris avec un téléphone, mais l'histoire ne le dit pas, je crois. Mais bon, c'est pas vraiment important dans un sens. C'est très joli. C'est ça. Puis dans l'article qu'on vous présente, là, dans les notes d'épisode, vous pourrez aller voir ces petits portfolios. Il y a un portfolio avec des photos de chiens en noir et blanc. Je pense que c'est son fidèle compagnon. C'est Benny qui s'appelle. il y a un petit peu de trucs. Il y a comme juste 4 portfolios. Donc, je ne sais pas si cette personne-là, ça fait pas si longtemps qu'elle fait de la photo, mais déjà quand même, elle a une belle démarche artistique, peu importe. Depuis combien de temps elle en fait. Je trouvais ça, je trouve que c'était mignon. Donc, on remercie Maxime de sa suggestion. Puis, parlant de remerciements, moi, je suis dans les liens, là, écoute, ça finit plus. Je vais te remercier, Christian, de ta présence. Merci, Stéphane. On salue Pierre-Luc qui couvait un petit rhume en espérant que ce soit uniquement ça et qui devrait être là au prochain épisode. Eh bien, je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, de toujours être fidèles au poste après 171 épisodes. Au prochain épisode 172, Pierre-Luc devrait nous donner des conseils pour la photo de paysage. Donc là, l'automne s'installe, mais il reste encore du temps pour faire de la photo dehors avant qu'il ne fasse trop froid. Et donc, on verra. Donc si Pierre-Luc est là, on va avoir ça pour le prochain épisode. Et moi, je ferai mon test du Samsung Galaxy S20 FE pour le 173. Donc profitez du beau temps justement. Il ne fait pas encore trop froid. D'ici au prochain épisode, à vos déclencheurs!